7, 4, compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. Exemple 1. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous entendez? Aujourd'hui, nous allons faire le portrait du jeune homme de l'histoire, Robert. Et puis vous entendez la question « Qu'est-ce que nous allons faire ?» Alors vous répondez « Le portrait du jeune homme de l'histoire, Robert. » Ou bien « Nous allons faire le portrait du jeune homme de l'histoire, Robert. » 2. Il est solide, robuste, costaud, mais il n'est pas gros du tout. Est-ce que Robert est gros ? Non, il n'est pas gros du tout. 3. Il mesure 1m70, 1m71. Il est plus grand que Mireille. Qui est plus grand ? Robert ou Mireille ? Robert. 4. Robert est brun. Il a les cheveux noirs. Est-ce que Robert est blond? Non, il n'est pas blond. Il est brun. 5. Robert ne va pas avoir de barbe. Est-ce que Robert va avoir une barbe? Non, il ne va pas avoir de barbe. 6. Il parle moins que Mireille. Il est aussi moins moqueur qu'elle. Il est plus indulgent. Est-ce que Robert est moqueur, comme Mireille? Non. Il est moins moqueur qu'elle. Il est plus indulgent. 7. En somme, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Ils sont même assez différents. Est-ce que Robert et Mireille se ressemblent? Non, ils ne se ressemblent pas beaucoup.